Eliane Radig, est-il facile d'être compositeur? Non, non, mais ni plus ni moins que d'être tout simplement un être humain, je crois. Enfin, cette... quoi que l'on fasse, quel que soit le métier que l'on a, le mieux qu'on ait à faire, c'est de faire son métier, son petit métier. C'est une source stravinskienne, cela. Ou ramusienne.